Exercice 1, page 115. A. Mou, moi. B. Tout, tout. C. Sous, soi. D. Joue, jouet. E. Roux, roux. F. Chou, choix.